saluant chacun de vous en nom de Jésus-Christ. Amen. Tukona salimia kila moja wenu mujina la Yesu Kristo. Nous sommes encore dans la joie. Tukotena katika furaha. De nous retrouver dans la maison de notre Père. Yashie kupatikana tena munyumba ya baba yetu. C'est pour recevoir l'instruction. Ninju yashie tupate kujifunza. Pour nous préparer. Ninju akujitayarisha. Parce que nous sommes un peuple en voyage. Sababu tuko taifa katika safari. Nous ne sommes pas ici pour une éternité. Shia tuna hapa ninju akuishi milele. Un de ce jour, Shiku moja, notre Seigneur, Bwana wetu, notre époux, Bwana arusi wetu, viendra nous chercher. Atakuya kutubeba. C'est pourquoi, nanjo kwa mana, nous ne devons jamais oublier cela. Kamwe atuwezi kusabwa ile. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana Mungu ambariki. Faites tout ce que vous pouvez faire. Mwanaweza kufanya yote mnaweza pour vivre. Njoo kuishi. Travailler. Mwanaweza kutumika pour nourrir votre famille. Njoo kurisha jamaa yako. Faites vos commerces. Mwanaweza fanya biashara. Vos champs. Mashamba. Travailler dans les sociétés comme tumika makampuni pale mnaifanyaka. Mais souvenez-vous toujours. Na kila mara mnapasha kumbuka que Jésus-Christ vient bientôt. Ya kwamba Yesu eko na kuya hapo sasa. Mange comme tu veux. Kula vile unapenda. Mais Jésus vient. Lakini Yesu eko na kuya. Jamais oublier cela. Haifai kamwe kuhesabu. Le frère James Musonda. Nduku James Musonda. Le pasteur de Kitwe. Pastori wa Kitwe. Pasteur Maua des États-Unis. Da Maua wa ku États-Unis. Et la sœur Mami Buendwa. Na da Mami Buendwa. Vous êtes tous salués au nom de Jésus-Christ. Bote varmi salimia mujina la Yesu Kristo. Dans les mois passés, mwanji iripita, nous avons reporté la réunion pour le marié. Turichofishaka makutano ya kuya mundoa kusaniko, parce que le temps ne nous avait pas permis de le faire. Sababu atuko na wakati ya kufanya. Si cela est la volonté du Seigneur, ikawa mapenzi ya Mungu, et qu'il n'y a pas quelque chose qui va nous empêcher, na hakuna kitu kinaweza kutuzuiza kusanika dimanche prochain ou l'autre dimanche, juma inakuya wala ingine ingine, nous pouvons tenir la réunion avec tous les mariés. Tunaezi kwa beba kwa na mkusaniko na benye kwa mundo abote. J'invite chaque marié à se préparer. Minalika kila mtu mwenye kwa mundoa ajitayarishe. Qu'ils prennent des précautions pour assister dans cette réunion. Ajitayarishe juu ya kuya mwile mkusaniko. Je vais effectivement le confirmer vendredi. Nishikwa vendredi njo mita akikisha kama itakuwako. Si c'est reporté pour l'autre semaine, kama tutachofisha njo ile juma ingine, je vous le dirai. Mite miambia. Mais cela doit se tenir le dimanche prochain. Mais lakini inapasha kufanyika juma ijayo. Ce sont des réunions très importantes. Ni mamkusaniko ya mafaa kabisa. Nous allons parler des choses qui touchent à la vie. Tutasemezea bitu yenyewe nagusa kumaisha. On a constaté qu'on a beaucoup de problèmes dans les couples. Tunaona kwamba tunakuwa na mambo ya mingi mumandoa. C'est notre responsabilité de résoudre certains problèmes qui deviennent généraux. Ni ma bujito yetu ya kuisha ile mambo inakuwa kadiri na batu bote. Quand on a des couples malades, mwakati tuko na mandoa yenye kwa magonjwa, l'église n'avance pas. Kanisa ikalemu kuendelea tena. L'église, ce ne sont pas les banquettes Et les murs, les ampoules et les micros. Kanisa aina ile libasa na mampoule na ma micro apa. L'église c'est vous. Kanisa ni mweye. Si votre cœur n'est pas en paix. Kama mamio yenu aina msalama. Votre foyer n'est pas en paix. Jama yenu haiko msalama. Vous avez une santé malade. Muko na afya mundo ya magonjwa. Le couple devient instable. Na mandoa inaanza kutenkatenka. Et c'est une porte d'entrée de tous les démons. Na ile mulango iko naingisha mademona yote. Et quand les foyers sont dérangés. Na wakati mandoa iko na ujivile. L'église est aussi dérangée. Kanisa nayo iko na ikuuji. C'est pourquoi je demande à cette même occasion à tous les mariés, si tu n'es pas marié, ce communiqué ne te concerne pas. À tous les mariés, un frère ou une sœur qui a une préoccupation privée, qui n'a pas pu nous soumettre en tant que ses bergers. Parce que peut-être il a eu honte. Peut-être il a pensé que sa femme ou sa femme ou son mari le saurait. Consignez cela sous forme d'une question. Et mettez ça dans nos deux corbeilles qui sont derrière. Et n'écrivez jamais de nom. Écrivez seulement votre préoccupation. Et mettez cela dans les corbeilles. Et on va s'en occuper dimanche prochain si c'est la dernière. Pour ce qui est de veuves et de veufs, veuves et divorcés, nous avons une réunion avec eux après service. C'est une réunion qui devait se tenir il y a deux semaines, je pense. Ni mukusaniko tulipasha kusanyika kuna kwa majuma mbili pikie upita. La semaine passée, ce n'était pas possible. Ajuma ilipita haikuwezekani tena. Comme cela vous avait été annoncé. Sa vile tulimitangaziaka. Nous avons quitté dans la précipitation. Tulitoka mwaraka. Pour un rendez-vous qu'on avait à Lubumbashi. Juu ya ile mkutano tulikuwa na Lubumbashi. Parce qu'il fallait aller doter chez Timothée. Il fazali kwenda kupeleka mari njo ya nduku Timothée. C'est ainsi que vous avez vu le pasteur et moi, mon épouse et ses grandes sœurs ont été pas dans la salle. Njo kwa maana mliona mie mzee na mke wangu na dada yake atukue mchumba. C'est ça la raison qui avait fait avorter la réunion des veuves. Njo sababu yenyewe atukusanike ile juma. Donc après le service. Tukisema kisha ibada leo. Les veuves. Bayane. Les veuves. Bayane manaume. Et les divorcés. Na bikuvunja ndoa. Vont rester pour la réunion. Batabakia njou ya mkusaniko. Que les mariés se préparent pour la semaine prochaine. Biyiko mundoa bajitarishe njou ya juma ikunakuya. Et qu'ils mettent leurs questions et leurs préoccupations dans les corbeilles. Na baweke maulizo yabo wala mangaiko yabo kule kumkongo. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana Mungu amibariki. Levons-nous pour l'étude de la parole. Tushimame njoo usome wa neno. Et en même temps nous ouvrons nos bibles dans 1 Thessaloniciens. Vile vile tunafungula biblia yetu mwa Thessalonika wa kwanza. 1 Thessaloniciens chapitre 1. Thessalonika wa kwanza sura yake ya kwanza. Dans son verset 4. Mustari yake ya 4. À l'appel de Dieu. 1 Thessaloniciens 4. Wa Thessaloniki wa kwanza sura yake ya kwanza mstari wa 4. l'alpha et l'oméga. Alpha na omega. Toi le Dieu de toute éternité. Oui, Mungu wa milele yote. C'est toi qui as créé toutes choses. Ni wewe uliumba vitu vyote. Tu l'as créé par toi-même. Uliumba kwa mwenyewe. Tu l'as créé pour ta gloire. Na uliumba kwa utukufu wako. Ce matin, nous te disons merci. Ya asubuhi tunasema asante. Parce que ce cantique que nous venons de chanter. Sababu imwimbo tunatokea kuimba. Nous interpelle tous. Iko netukumbusha shibote. Seigneur. Wana. Nous voulons entendre notre nom. Tunapenda kushika jina yetu. Lorsque la dernière trompette sonnera. Wakati parapanda ya mwisho itaria. Alors que les morts en Christ ressusciteront. Pale bafu katika Kristo watafufuka. Nous qui sommes restés vivants pour l'avènement. Pour ton avènement. Benye wakia bajima njua kuja kwako. Nous voulons, Seigneur, être changés. Tunapenda Bwana kubadilika. Nous voulons être enlevés. Tunapenda nyanyuliwa. Afin de nous réunir. Kusudi tupate kusanika. Avec nos bien-aimés décédés en Christ. Pamoja na mapendwa yetu yenye kupanda ya Kristo. Pour aller à ta rencontre. Tu kwenda kumbana na wewe. Seigneur, merci. Bwana asante. Pour le sang versé au bois du Dieu Calvaire. Merci pour le prix payé. Asante kwa bei uliolipa. Merci pour la souffrance que asante. Tu as acceptée. Notre place. Maintenant, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, descends ce matin et accomplis ton œuvre en nous. Bénis chaque frère, bénis chaque sœur, sauve les perdus, guéris les malades, amène la paix en nous. Seigneur Jésus, merci. Nous voulons réellement être prêts dans une vie de sainteté, une vie de crainte, une vie de fidélité. Maisha ya uaminifu, maisha ya utiifu, pour donner gloire à ton nom. Ya kuja utukufu jina lako. Merci Père. Asante Baba. Alors que nous parlons de ce mystère, tunasemezea imasiri, que tu as caché, ile ulifuchika, aux yeux des sages intelligents, ya baikima na baikiri, pour notre bien, ya bizuri vyetu, parle-nous encore upate kusemezea tena mara nyingine Bwana, et nous bénirons ton na nom. Na tutabariki jina lako. Béni chaque frère, bariki la nduku, béni chaque sœur, bariki la dada, béni tous les conducteurs, bariki viongozi wote, béni la congrégation, les frères et les sœurs qui sont en ligne. Nous les recommandons entre tes mains. Toi qui connais leurs besoins. Toi qui connais leurs désirs. Réponds-les, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Père. Asante Baba. Sois avec nous. Du début à la fin. Mwanzo na mwisho. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. 1 Thessaloniciens. Wa Thessaloniki wa kwanza. Au chapitre 1. Musura ya kwanza. Dans son verset 4. Musura ya ine. Nous savons, frères bien-aimés, tunajua banduku bapendwa, bien-aimés de Dieu, bapendwa Mungu, que vous avez été élus, ya kwamba mulichakuliwa, unaweza kala. Nous continuons à parler sur l'objectif de notre élection. Tukunenda kusemezea njuu ya shaba ya uchaguzi yetu. Nous avons ouvert une grande parenthèse. Tufungula mkato mnene. Dans laquelle nous avons parlé. Ndani ya ile tulisemezea. Les élus. Bateule. Des vierges folles, mabikira pumbafu, et des appelés. Na benye kuitwa. Nous avons montré que les élus de là de la Odyssée, na tulisema kwamba bateuli bamkisikia la Odikia, ils seront trouvés vivants lors du retour du Seigneur. Bale batakutana bajima mwakati Yesu Kristo atarudia. Sont appelés vierges sages. Jo bikune baita kwamba babikira baikima. Ces hommes et ces femmes a banaume na banamuke qui ont déjà atteint la perfection en Christ. Bale banesha kufika mukamilifu ndani ya Kristo. Nous avons aussi enseigné ceci. Tena tulifundisha hivi que ces élus qui n'ont pas atteint la perfection en Christ. Ya kwamba abateule bakufike mukamilifu ndani ya Kristo. Qui sont nés de nouveau. Banisha kuzali kwa mara pili. Qui mènent une vie sanctifiée. Beko na maisha ya utakaso. Mais qui lors du retour du Seigneur Jésus-Christ. Lakini mwakati ya kurudia kwa Bwana Yesu Kristo. Vont rester. Bo batabakia. Ils vont rater l'enlèvement. Batakosa kunyanyuliwa. Ces croyants Ababaminifu sont appelés les vierges folles. Jo banaita sema babikira pumbafu. Ils vont passer par la tribulation. Na batapitia mateso mkubwa. Ils seront des martyrs. Batebaua. Et ils vont ressusciter. Na batafufuka. Avant le règne de 1000 ans. Mbele ya utawala ya miaka elfu. Ils ne seront pas dans le palais. Bo abatakuya mule mjuma ufalme. Mais ils sont devant le trône. Lakini batakuya kumbele ya kiti ya enzi mweupe. Ils sont devant le trône avec les 144 000 juifs. Batakuya mbele ya kiti ya enzi pamoja na bali 144 bayuda. Ce croyant israélite. Aba baminifu baku israeli. Les enfants d'Abraham dans la chair. Batoto wa Ibrahim katika mwili. Ces hommes et ces femmes qui avaient rejeté Christ lors de sa première venue, mais selon l'élection du Seigneur, Dieu leur enverra Élie et Moïse après le départ de l'épouse. À la prédication d'Élie et de Moïse, ils naîtront de nouveau. Ils seront scellés du Saint-Esprit. Ils mourront comme martyrs. Ils vont ressusciter avant le millénium. Et ils vivront dans le millénium. Maintenant, devant le trône de Dieu. Il y a un autre groupe qui va ressusciter à la seconde résurrection. Na kukundi ingine itafufuka kufuko apiri. Ce sont ces appelés. Ni aba benye kuitwa. Ces hommes et femmes qui sont nés de nouveau. Aba na muke na banaume benye kuzaliko mara ya pili. Mais qui sont morts en Christ. Lakini balikufa ndani ya Kristo. Qui n'ont pas aussi atteint la perfection. Lakini nabo aba kufike mukamilifu. Qui ont la vie éternelle. Beko na bujima milele ndani yabo. Mais qui au trône blanc. Mais lakini kukiti ya enzi mweupe. Vont ressusciter pour être jugés. Batafufuka juu ya kukumiwa. Et après leur jugement. Na kisha hukumu yabo. Ils entreront dans l'éternité. Nabo bataingia milele. C'est ce que nous vous avons dit. Dieu le tumiambia. Nous vous avons parlé sur les nés de nouveau dans les dénominations. Na tumiambia tena yule abale anaisha zari kama la pili mais lakini mzee. Nous avons insisté pour dire. Na tulitia mkazo kabisa. Que personne ne vous trompe. Ya kwamba mtu atamwa shimindanganye. Il n'y a aucun faux évangile de Christ. Akuyakuyaka injili ya bongo hata moyo wa Kristo. Aucun enseignement dénominationnel. Mafundisho hata moyo wa kizebu. Qui peut amener un homme ou une femme à être né de nouveau. Ile inaweza kupeleka mwanaume wala mwanamke apate kuzaliwa mara ya pili. Les enseignements dénominationnels sont des poisons. Mafundisho ya kizebu ni sumu. Les poisons tuent les âmes. Na sumu inekalaka kuna uwa ni manafsi. Aucun véritable croyant ne peut naître de nouveau par les faux enseignements. Hakuna mkristo kama wa kweli unaweza kuzaliwa mara ya pili kupitia mafundisho ya bongo. Mais le né de nouveau que nous trouvons dans les communautés dénominationnelles. Mais lakini bale ba kuzaliwa mara ya pili tu unakuta mu madhehebu. Sont de véritables croyants. Nikusema ni bakristu wa kweli. Que Dieu avait connu avant la fondation du monde. Bale Mungu alitangulia kujua mbele ya misingi ya dunia. Qui lors de leur séjour terrestre. Na mwakati ya maisha yabo pa dunia. Ont eu l'occasion d'une manière ou d'une autre. Munamna ya kuachana balipataka kubahati. D'entendre le vrai évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Ya kushikia ko injili ya kweli ya Bwana wetu Yesu Kristo. D'entendre la véritable parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Ya kushikia ko neno ya kweli ya Bwana wetu Yesu Kristo. Ils l'ont entendu par les hommes de Dieu. Barishikia ile neno kupitia batumishi ya Mungu. Les hommes que Dieu avait mandaté. Bale batumishi Mungu aliweka mkazi. Ils ont eu l'occasion de faire des expériences de la nouvelle naissance. Na bo balipataka ubati ya kufanya maonjo ya kuzaliwa mara ya pili. Mais les circonstances de la vie. Mais lakini kufuatana na mambo ya maisha. Les a peut-être amené loin. Il va peleka sa zingine mbali. de là où ils pouvaient être nourris spirituellement, où ils pouvaient entendre les lèvres pures de la vérité, de la parole, pour être en Christ, jusqu'à la statue de l'homme parfait. Mais ils se sont retrouvés quelque part où la vérité n'était pas portée. Ils se sont retrouvés dans une communauté. On prêche un peu de vérité, un peu de mensonge, et leur croissance a été arrêtée. Et ils n'ont pas atteint la perfection en Christ. Dieu qui est juste ne les condamnera pas. Dieu qui est juste, après le jugement du trône blanc, le salut sera accordé. Il y a des frères, il y a des sœurs, des véritables chrétiens, des véritables serviteurs de Dieu, qui sont allés dans les dénominations, et peut-être dans les villes, dans les villages, évangélisés, parler de Christ. Et il y a eu des hommes qui ont cru, qui ont ce qui était sincère, qui ont cru, qui ont fait l'expérience de la nouvelle naissance, parce que la foi est basée sur l'œuvre du calvaire. Ils l'ont cru, ils l'ont expérimenté, et les serviteurs de Dieu les ont quittés. Ils sont restés, et ils ne pouvaient pas croître spirituellement. Ces hommes et ces femmes, Dieu leur fera grâce. Il y a beaucoup de circonstances que nous pouvons évoquer, dans lesquelles ces hommes et ces femmes peuvent se retrouver dans les dénominations. Nous avons dit, même dans les dénominations, il y a de véritables serviteurs de Dieu qui sont comme Apollo, qui par rapport au plan du salut sont en retard. Et par retard, ils n'ont pas eu l'occasion d'entendre le message du temps de la paix. Ils n'ont pas évolué avec la marche du Saint-Esprit. Et aussi, Dieu les sauvera dans sa grâce, parce qu'il est juste. Même nous-mêmes qui sommes dans la vérité, comme nous l'avons montré vendredi, nous n'irons pas dans tous les recoins du monde. Jusqu'à ce matin, il y a des endroits où même la Bible ne lit pas, où on ne connaît même pas de Jésus, on ne connaît même pas s'il y a un Jésus. Il y a des endroits où les réveils passés ont atteint, mais ce message n'est pas encore arrivé. Et Dieu est miséricordieux. Il est souverain. À ceux qui sont sincères, qui ont reçu la lumière de leur temps, mais qui n'ont pas pu avancer, Dieu leur fera miséricorde. Nous avons dit encore ceci. Et je vous l'ai dit au nom du Seigneur Jésus. N'encouragez personne à demeurer dans une dénomination. N'encouragez aucune personne de retourner dans une dénomination. Quelqu'un qui retourne dans une dénomination, après avoir reçu ce message, est faux dans son cœur. Et même son expérience est fausse. J'ai toujours vu beaucoup de frères. Des fois, ils étaient des prédicateurs dans les dénominations. Quand il croit le message, les dénominationnels les suivent pour lui dire, tu as abandonné les brebis, Dieu te condamnera, rentrer. Là, au tabernacle où tu es, on ne te considère pas comme une brebis. Et pourtant, tu es un grand berger. Et les frères sont séduits par ses flatteries et par ignorance. Ils retournent dans la dénomination pour aller s'occuper des corbeaux. Très grave ça. Ni mambo ya tari. C'est un manque de révélation. Ni kukosa ufunuo. Quand Dieu vous sort d'une dénomination, wakati Mungu angutosha mzebu, ces âmes-là ne sont pas vos âmes, ce sont les âmes de Dieu. Il est manaf. Comme Dieu s'est occupé de toi, pas vile Mungu angakia wewe. Kama Mungu na Mungu quand ils te verront sortir, wakati watakuona kutoka, alors qu'ils te faisaient confiance, ils sortiront. Et tu aurais gagné ces âmes-là. Mais quand vous y retournez, pour fortifier, les fortifier dans leur incrédulité, vous serez condamné par Dieu. Tu fais un acte insensé que Dieu n'apprécie pas. Comme un chien qui est retourné à ce qu'il a vomi. C'est ce que fait quelqu'un, même s'il était prédicateur dans les dénominations, il croit le message à cause des honneurs, à cause de l'argent, à cause des flatteries dénominationnelles, il retourne pour s'occuper de ces dénominationnels. Ni bongo, ni s'il y a vos frères et vos soeurs dans les dénominations, il faut leur dire ouvertement, wazi, fuyez la dénomination. Elle est déjà morte. Banisha kufwa. Dieu n'agit plus dans la dénomination. Il n'a jamais agi dans la dénomination. Na mzebu. Les dénominationnels ba mazebu et les dénominations na mazebu yenye sont déjà pourris. Ni ba benye koza. Ils vont tout droit dans les conseils communiques. Bekonenda, muno mashauri ya makanisa. Marque de la bête. Dieu kupokea picha ya nyama. C'est pourquoi il ne faut pas s'occuper na, de Dieu. Kwa maana mushangaikie bale. Na kili kila mteule. D'une manière ou d'une autre. Namna moya nyingine. L'évangile de vérité. L'évangile de Christ, l'évangile de Dieu, l'atteindra certainement. Que Dieu vous bénisse. Nous allons évoluer. Bien-aimés frères et sœurs, pour commencer la prédication d'aujourd'hui, Dieu a commencé mon billet à Léo. J'aime dire à chaque frère, à chaque sœur, nous napenda kuambia kila nduku na kila dada, que nous ne croyons pas, ya kwamba sie atuamini, que Dieu écrit maintenant, ya kwamba Mungu mwenkuandiko hapa sasa, dans les livres de vie de l'agneau, mu kitabu ya uzima mwana kondo. Non, en tant qu'élu. Manjina yetu tuabateule. Non, en tant qu'élu. Manjina yetu tuabateule. Ne sont pas écrits maintenant. Aina apsasa njobe kone andika. Dans le livre de vie de l'agneau. Mukitabu ya buzima mwana kondo. Ou encore. Voilà, tena. Ce n'est pas au moment où vous croyez, aina mwile wakati wewe unaamini, ou le jour que tu as cru, wala siku ile uliaminiaka, que ton nom fut écrit dans le livre de vie de l'agneau. Jo pale njina yako iliandikiwa mkitabu wa buzima mwana kondoo. Non mon frère. Hapana ndugu yangu. Non ma sœur. Hapana dada yangu. Ce n'est pas lors de ton baptême d'eau. Aina wakati ile baanza kubatiza mumai au nom du Seigneur Jésus Christ, mujina la Bwana Yesu Kristu, que Dieu a écrit ton nom, ya kwamba njo pale Mungu aliandika hata jina yako sawa mteule, dans le livre de vie ya buzima mwana kondo. Non frère. Hapana nduku. Non ma sœur. Hapana dada yangu. Le nom de sauver, majina ya benye kokolewa, ne sont même pas écrits. Aina yenye kuandikiwa. Dans les livres de vie de l'agneau. Mukitabu wa buzima mwana kondoo. Lors de leur expérience à la nouvelle naissance. Wakati ya onjo yabo kuzaliwa upya. Ou lors de leur expérience au baptême du Saint-Esprit. Onjo yabo wakati wa batizo wa Roho Mtakatifu. Pendant qu'ils naissent de nouveau. Wakati bazaliwa mara pili. Pendant qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Wakati wanapokea Roho Mtakatifu. À ce moment-là. Ndio ile wakati. Que leur nom. Majina yabo. Est écrit par Dieu Mungu, dans les livres de vie de l'agneau. Ya uzima mwana kondoo. Non. Apana, apana kabisa. Dieu a écrit nos noms. Mungu aliandikaka majina yetu. Dans son livre. Kitabu yake. C'est avant la fondation du monde. Mbele hata misingi ya dunia. Ça c'est la garantie qu'a tout véritable élu. Il est njoa tikisho le kalaka na uteule wote. C'est la raison fondamentale que nous l'annonçons avec force. Job sababu yenye tukuletangaza na nguvu yote. Et nous vous disons toujours. Na tulekaraka paka mkumiambia. Que nous en tant qu'élu. Ya kwamba sisi bateule. Nous ne seront jamais perdus. Nous en tant qu'élus, nous ne serons jamais séduits par n'importe quel faux enseignement. Il n'y a aucun faux oin. Il n'y a aucun faux prophète. Aucun faux prédicateur. N'a la capacité de nous séduire. Non frère. Non ma soeur. Apocalypse 17. Ufunuo 17. Dans son verset 8. Mustareke ya kenda. La bête que tu as vue était. Nyama ule uriona alikuwa kaku. Et elle n'est plus. Na ana kutena. Elle doit monter de l'abîme. Anapasha kupanda majena. Et aller à la perdition. Na kwenda mukupotea. Et tous les habitants de la terre. Na bakaji bote apa dunia. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans les livres de vie. Bale manjina yabo kuandikiwe tangia mbele misingi ya dunia mkitabu. S'étonneront en voyant la bête. Batashanga mukona unyama. Elle était. Sababu alikuwa kaku. Et qu'elle n'est plus. Na ana kutena. Et qu'elle réapparaîtra. Na ataonekana tena. Elle était, elle n'est plus, elle réapparaîtra. C'est la succession papale. Ça, on parlera dans la parole prochaine. La succession kukombolana. La succession papale. Vous voyez bien, mes frères. Ce sont les habitants qui seront séduits. Dont leur nom n'a pas été écrit. Bale manjina yabo ayandikiwa. Dans le livre de vie. Mukitabu ya uzima. Comme nous l'avons déjà dit. Avec beaucoup d'insistance. Le salut a été conçu pour tout le monde sans exception. Et tous les hommes ont eu l'occasion pendant leur vie terrestre de recevoir la vie éternelle. Les uns l'ont rejeté et les autres l'ont reçu comme l'avons montré. Frère Banam disait, souvent quand quelqu'un meurt, quand les gens vont le pleurer, beaucoup disent, il est mort sans pouvoir connaître même Dieu. Il fallait qu'il puisse connaître même Dieu. Frère Bana me répond. Et cela est conforme à la parole. Tout homme qui vit pendant son séjour terrestre, il a eu l'occasion de recevoir l'appel de Dieu, mais qu'il a rejeté. Quelqu'un ne peut pas quitter cette terre sans qu'il ne soit averti par Dieu. Bila yeku kalamushiwa na Mungu. Non, bien aimé frère. Apana, ndugu mpendwa. S'il n'est pas averti par un prédicateur, kama mubiri mwashi mkalamushi, il peut être averti par Dieu lui-même. Mungu ye mwenye anaweza kumkalamusha. Parfois dans une vision. Sa zingine kumuonyo. Parfois dans un songe. Sa zingine mundoto. Parfois dans une conduite. Sa zingine mumwenendo. Quand Dieu lui donne une conduite, wakati Mungu anapatia mwenendo, lui registre. Yanakatala. Peut-être par un homme. Sa zingine kupitia mtu tu mwaye. Peut-être par une femme. Sa zingine mwanamke moye. Peut-être par une connaissance. Sa zingine kupitia kufahamu kwake. Dieu l'a averti d'une manière ou d'une autre. Alimkalamusha mnamna mwa na ingine. Mais ce dernier. Mais lakini umutu. A refusé de répondre à l'appel de Dieu, projetant, il projetait, il a projeté ce qu'il devait faire à ce moment-là dans le futur. Et la mort l'a surpris. Et il est parti comme un pécheur. Et il sera condamné. C'est pourquoi frère, je commande à Ndouku. C'est pourquoi sœur, je commande à Dada. Même quand vous venez dans l'église, suivez pour vous-même. Mufate juyako. Écoutez ce que Dieu dit, ce que Dieu dit à ton cœur. Shikia bile Mungu anasema juu ya moyo wako. Le salut n'est pas collectif. Okovu aina ya mkinkunji. Le salut est individuel. Okovu iko ya upekee. Un jour, Dieu peut envoyer son serviteur même un dimanche comme ça, ça où Dieu ne parle pas à tout le monde, parle il te parle seulement à toi. Mais si tu ne sais pas, si tu ne sais pas répondre à l'appel de Dieu, tu seras condamné. C'est vrai frère. L'offre du salut. Ah. L'offre du salut. Offre. Bati ya okovu. Tu présentais à chacun d'eux. Iliweka mbele ya kila mmoja wao. C'est comme le cas que nous lisons dans la Bible. Ni sawa mfano tunasoma Biblia. Écrivez cela. Niandike. Dans Luc au chapitre 18. Luca 18. Dans son verset 18 à 27. C'est le cas du jeune riche. Du jeune riche. Mufano yao kiana mtajiri. Ce garçon kiana a eu l'occasion dans sa vie terrestre. Maisha yake pa dunia pataka ubahati. Peu importe la richesse qu'il avait. Aizule utajiri alikuwa nayo. De rencontrer le salut lui-même. Mais il a rejeté cela. Luc 18. Luca 18. Verset 18. Écriture dit. Andiko nasema. Un chef interrogea Jésus. Akamuliza Yesu. Et dit, na akasema, bon maître, mwalimu mwema, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Nawezi kufanya konini njua ya kuriti uzima milele? Jésus lui répondit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Yesu akamujibu, njua ni tunaita mwema, tu connais les commandements. Yepeke. On a dit à Mahamri. Verset 21. Il répond. J'ai dit, dit-il. Observez toutes ces choses de ma jeunesse. Jésus ayant entendu cela. Lui dit, il te manque encore une chose. Qu'est-ce qui lui manquait? C'est la vie éternelle. Qu'il est allé chercher auprès du salut. Va. Wende. Vends tout ce que tu as. Na uzishe vile vyote vile aux pauvres. Na ukabule wa maskini. Tu auras un trésor dans les cieux. Na utapata hazina. Et puis viens et suis-moi. Na kisha ukuyo nifuate. Verset 23. Tarehe 23. Lorsqu'il entendit ces paroles, wakati alisikia ile misemo, il devint tout triste. Akakuwa na huzuni sana. Car il était très riche. Alikuwa mtajiri sana. Vous voyez bien mes frères. Unaona ndugu mpendwa. Quand la parole de Dieu te rend triste, wakati neno la Mungu linaanza kuzunisha, tu n'es pas un élu. Aona mteule. Tu es prédestiné à la mort. Unaisha kutayarishwa kulufu. Dans Luc 10, kitabu ya Luka 10, dans son verset 25 à 30, mstari wake makumi mbili na tano, Luc au chapitre 10, Luka 10, dans son verset 25-30, mstari wake makumi mbili na tano, kufika paka na mstari ici nous avons le docteur de la loi, apa tuna ule, un docteur de la loi, mwalimu wa sheria, s'éleva et dit à Jésus, akashimama pour l'éprouver, juu ya kumujaribu, maître, mwalimu, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Tafanya nini njoo kuriti uzima milele? Jésus lui dit, Yesu akamwambia, qu'est-ce qu'il écrit dans la loi? Ni nini inaandikiwa katika sheria? Qui lis-tu? Unasoma nini? Il répondit, tu aimeras tout ça. Akajibu utasema yote. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Unajibu mzuri, Yesu akasema. Fais cela et tu vivras. Fanya ile na utaishi. Mais lui, lakini yeye, voulant se justifier, dit à Jésus, mkupenda kujesabia haki, akamwambia Yesu, qui est mon prochain? Na akamwambia kwamba jirani wangu ni nani? Ce docteur de la loi, huyu mwalimu wa sheria, rejetant le salut que Christ l'offrait, yeye mkukatala ile wokovu Mungu alimpatia. Il voulait maintenant se justifier. Alipenda sasa kuanza kujihesabia haki. En voulant se justifier, mukupenda kujihesabia haki, il pose la question à Jésus. Anamuuliza Yesu. C'est ainsi que tant docteur de la loi, alama unaisha sema yeye mwenye kuya mwalimu wa sheria, il n'a pas eu l'occasion asipatake kubahati de recevoir le salut dans sa vie. Ya kupokea okovu maisha yake. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana Mungu ambariki. Maintenant que vous et moi, sasa, moi na mie, nous avons eu cette occasion, baati, nous sommes à un bon endroit, mzuri, un endroit prédestiné ile, ile pour préparer les élus en vue de l'enlèvement, vous n'aurez pas de justification devant le Seigneur. Bele ya Mungu, amuta kuyaka, na kia kujesabia si wake. Il revenait, kama anakuya, cherchez son époux, utafuta biharusi wake, et vous trouvez, na anemikuta, sans nouvelle naissance, bila kuzali kwa upya, sans une vie sanctifiée, bila maisha utakaso, sans baptême du Saint-Esprit, bila ubatizo wa mtakatifu, et si tu restais, na kama unabakia, tu seras sévèrement châtié. Pale utapizwa kabisa kabisa. C'est vrai frère, ya kweli nduku, c'est vrai ma sœur, ya kweli dada. C'est pourquoi nous avons beaucoup insisté. Jukomana tutia mkazo kabisa. Que Dieu ne nous a jamais élus. Ya kwamba Mungu kama ashetuteulaka. Selon sa propre volonté. Kufuatana na mapenzi yake. Pour notre salut. Joko vietu. Non. Hapana. Dans les deux groupes, mwile mankundi mbiri, ceux qui acceptaient le salut, bale bale kika okovu, et ceux qui rejetaient le salut, na, bale bale katala okovu, Dieu Mungu, les a placés dans leur position, alibeka, mwile mshimamo yabo, selon leur choix, kufuatana na kuchakula kwabo, et selon sa prescience, na kufuatana na kutangulia kujua kwake. Oui bien-aimé frère. Ndio ndugu na dada mpendwa. Oui bien-aimé sœur. Ndio dada mpendwa. Chacun a été élu. Kila mmoja wetu aliteuliwa chakuliwa. Chacun a été élu. Kila kundi lichakuliwa. Bien que le terme élection. Hata vile msemo uchakuzi. S'utilise. Kama s'utilise. Kama unasoma. Particulièrement. Kwa kipekee. Pour les élus véritables. Ndio kweli. Ceux qui sont prédestinés. Ale yutangulia utaishwa. À expérimenter toutes les promesses de Dieu. Mais ceux qui n'ont pas accepté ont été aussi placés dans leur position choisie. Et Dieu les a destinés à la destruction. Selon ce que Dieu avait vu dans sa personne. Que ça soit pour tous les élus. comme Abraham, Ibrahim, Jacob, Jacob, Moïse, Moussa, tous les élus que vous connaissez, ou comme, voilà, ou que ce soit pour les vases de la colère, comme Caïn, Esaü, Pharaon, Judas, ces deux groupes-là, tous ont été placés dans leur position, selon leur propre volonté, et selon la puissance de Dieu. C'est vrai, frère. C'est vrai, ma soeur. Notez ceci. Notez cela. Il y a une très grande différence entre l'élection de Dieu pour le salut des hommes et l'élection de Dieu pour les services dans les ministères. Il y a une différence entre l'élection de Dieu katikati ya uchakuzi ya Mungu pour le salut des hommes juu ya ukovu ya batu, le salut de leur âme ukovu ya manafsi yabo, et l'élection de Dieu na uchakuzi ya Mungu pour le service juu ya kazi, c'est-à-dire dans le ministère. Je vous ai dit, mon Uduma. Un. Et Kwanja. Pour ce qui est du salut pour les hommes. Kwa ile inangaria okovu juu ya batu. Dieu a élu. Mungu alichakula. Et a prédestiné. Na alitanguria kutayarisha. Les gens selon sa préscience, batu mukutanguria kufamu kwake, et non selon sa propre volonté. Apana kufatana mapenzi ya Mungu. Deux. Ya pili. Pour le ministère. Du ya uduma. Les hommes qui sont appelés à exercer un ministère ou un service, bale batu venye kuitwa njia kutumikia uduma wala kazi, Dieu a élu, Mungu alichakula, et il a prédestiné les gens na alitangulia kutayarisha batu selon sa préscience, mukutangulia kufahamu kwake, et selon sa propre volonté. Na kufuatana na mapenzi yake. Dans le salut, Mwokovu, Dieu ne choisit pas les gens selon sa volonté. Mungu achakulake batu kufuatana na mapenzi yake. Mais dans le ministère, na lakini muduma, Dieu choisit ses Mungu serviteurs achakula watumishi yake selon sa volonté. Kufuatana na mapenzi yake. L'appel au ministère n'est pas adressé à tout le monde. Aina batu bote. D'ailleurs, aucune femme japo akuna mwanamke atamoya n'est pas appelée ana mwenye kuitwa au ministère. Kuduma. Non. Apan. Mais les femmes peuvent exercer. Mais lakini banamuke banaweza kutumikia les neuf dons. Ile mazawadi tisa. Dans les neuf dons. Na mule mazawadi tisa. Dieu donne ses dons. Mungu aleta mazawadi yake. Aux gens selon sa volonté. Kubatu kufuatana na mapenzi yake. Même une femme peut recevoir un don. L'un des neuf dons. Anaweza kupokea moja ya mazawadi tisa kufuatana na mapenzi ya Mungu. Vous voyez? Unaona? Mais au ministère de la parole, il n'y a aucune femme. Lakini muduma ya neno, mais quand il choisit les hommes dans le ministère, Dieu les choisit selon sa propre volonté. Kufuatana na mapenzi yake. C'est vrai. Kweli. Dans les saluts, mukovu, Dieu respecte la volonté de l'homme. Mungu eko naheshimia mapenzi ya mtu. Et sa préscience. Na kutangulia fahamu pour élire tout homme. Juu ya kuchakula kuteula kila mtu. Dans le ministère. Mais lakini muduma. Dieu respecte. Mungu eko naheshimia sa préscience. Kutangulia fahamu kwake. Et respecte sa propre volonté. Na eko naheshimia mapenzi yake. Il choisit qui il veut. Dona chakula ula napenda. En ce qui concerne les cinq ministères. Aili naangalia mahuduma tano. Qui concerne les hommes. Il est l'angaria bâti. En ce qui concerne les neuf dons. Il est l'angaria mazawazi tisa. Qui s'exerce dans une assemblée locale. Il kuna onekana. Là, Dieu veut donner son don. Anes patia zawadi yake. À n'importe qui. Muntu ote. Comme il le veut. Par avis anaipenda. Dans Hébreu au chapitre 2. Moi, Hébrania. L'église est avec moi. Kanisa tu pamoe. Quand je parle lentement, les gens pensent, commencent à dormir. Dormez. Jacques et Hébreux chapitre 2. Hébreux au chapitre 2. Je pense que l'église est avec moi. Je commence au verset 3, mais j'ai besoin du verset 4. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Le salut annoncé d'abord par le Seigneur nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et des divers miracles et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Kuatana na mapenzi yake. Les dons du Saint-Esprit zawadi ya Roho Mtakatifu sont distribués iku na gawanika selon sa propre volonté. Kuatana na mapenzi yake. 1 Corinthiens. Wa Korinto wa kwanza. Au chapitre 12. Soit ya 12. 1 Corinthiens chapitre 12. Wa Korinto wa kwanza sura ya ya 12. Verset 11. Vous serez qui à 11. Verset 18. Vous serez qui à 18. Verset 28. Ma 28. À 30. Ça par la communauté. Nous lisons. Pour la somme. Dans son verset 11. Vous serez qui à 11. Un seul et même esprit. Moya, naho moya. Opère toutes ces choses, tenda yote, les distribuant na à chacun, en particulier, kwa kila moja, kwa kipeke, comme il le veut. Paka vila napenda. Dieu le fait comme il le veut. Mungu anaitenda kufatana vila napenda. C'est dans son service. Ni mukazi yake. Quand il veut donner les neuf dons à l'église. Ce n'est pas le pasteur ou le diacre ou l'église qui vote. Seigneur, donne à telle sœur, donne à tel frère un tel don. Donne à tel frère un ministère. Non. Ça, c'est la souveraineté de Dieu. Il est dans son verset 18. 18. Maintenant, Dieu ça, a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. C'est selon sa volonté. C'est vrai, frère. Verset 27. Vous êtes le corps du Seigneur de Christ. Et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Allez jusqu'à Ephésiens chapitre 1. Wa Efeso sura kwanza. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Nini napenda niambia? Kumambo yenye kuangalia okovu ya manafsi ya bantu. Ah, ce qui concerne le salut des âmes. Mungu alichakula bantu. Dieu avait élu les gens. Kufuatana na kutanguria kujua kwake, selon sa préscience, na mwenye kuheshimia mapenzi ya kila mtu, respectant la volonté de chacun de vous, de nous, même mambo ya huduma na mazawadi, ministère et le don, Mungu ana na conseiller, Dieu n'a pas de conseiller, mambo ya mahuduma na mambo ya mazawadi, Mungu eko na chakula ule ye anapenda kufuatana na kipenda roho yake. Ephésiens chapitre 1. Wa Efeso sura ya kwanza. Verset 1. Sura ya kwanza. Paul. Paulo. Apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Mutuma Yesu Kristo kupitia mapenzi ya Mungu. Paul. Paulo. Est apôtre. Ni mutume, pas selon sa propre volonté ou mou, la volonté de l'église, kanisa, non. Apana. Il fut établi apôtre, c'est selon la volonté de Dieu. Dieu n'a pas demandé l'autorisation de l'église. Ashkrombe rusa kama Mungu yuko naita mtu kuduma aendele kuconsulter pasteur, il ne consulte même pas le pasteur. Pasteur Ngoi, unapenda ni mwite Romain akwe mbili wangu hapana, non, au nenda kwa Frank anamwambia Frank wewe unapenda Ngoi akwe mbili au hapana, ce n'est pas son problème. Il a une mambo yake, il ne pouvait même pas aller consulter Branham pour lui. Awezi atende muuliza Branham, unapenda Mungu akwe evangelist hapana, ce n'est pas son problème. Apana ile na mambo yake. Mungu anafanya bila anapenda. Voyez frère. Unaona ndugu. Il a établi Paul selon sa volonté. Aliweka Paulo kwa sababu yake. Il a établi ses serviteurs. Selon sa volonté, il n'a pas de compte à rendre à quelqu'un. Ana na kwa kusamba. Il ne considère même pas leur propre volonté. Ashangaria hata mapenzi ya bale watu wenyewe naita. Non, quand il veut l'utiliser, il l'utilise. Wakati anapenda mtumikia, mtumikia. Ce sont des vases qu'il a créé pour sa gloire. Yombo bile kuna Colossiens 1:1. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, et le frère Timothée. Na nduku Timothée. Même Timothée. Ata Timothée. A été appelé par Dieu et placé dans son service, c'est selon la volonté de Dieu et non selon la volonté des hommes. C'est vrai frère, suivez maintenant très bien. Dans les choix au ministère, Mungu mukuchakula bantu, Dieu, dans le choix au ministère, dans le choix Mukuchakula au ministère, Uduma, dans son service, Mukazi yake, la propre volonté de Dieu, mapenzi ya Mungu, se révèle comme il le veut, iku nonekana vile anapenda. C'est dans les choix de ministère ni muile chakula kuduma que Dieu choisit même des démons. Dieu parle Mungu anachakulaka ata mashetani dans son service mukazi yake pour prêcher l'évangile. Dieu ya kuhubiri injili. Mukubiri habari njema pour que tout le monde comprenne. Pour prêcher l'évangile. Mukubiri habari njema. En prêchant l'évangile. Mungu kufuatana na kipenda roho yake. Selon la volonté de Dieu. Anachakulaka na mampepo mchafu, mandemona. Même les démons. Dieu a kwenda kubiri habari njema. Pour aller prêcher la bonne nouvelle. Mungu anaita mandemona. Dieu appelle les démons. Inenda kuhubiri habari njema. Les démons iront prêcher la bonne nouvelle. Kufuatana mapenzi ya Mungu. Conformément à la volonté de Dieu. Na bateule banaokolewa. Et les élus sont sauvés. Mais il est mandemona. Mais les démons là. Yo itenda kupotea. Et ils seront perdus. Vous voyez? Non. Kuya mubiri dao pasteur. Être prédicateur ou pasteur. Aina kintu ki abei Ce n'est pas la chose la plus précieuse, mes sœurs bien-aimées. Ce n'est pas la chose la plus précieuse, mes bien-aimées, où vous allez vous empresser et trembler pour ça. Mukaji à l'œuvre de Dieu. Mungu atawezi kutumikia na kuita mtu yoyote. Appeler tout homme. Même des démons. Ata ma demona. Pour aller prêcher l'évangile. Dieu a kwenda kubiri habari njema. Kama Mungu anakuona kusema kwa pafashi. Si Dieu te voit que tu as un endroit. Bali hapana batumishi ba Mungu ba kweli. Il y a pas de véritable serviteur de Dieu. Bali kubira bali njema. Qui viendront prêcher la bonne nouvelle. Mungu atawezi kwenda kubeba. Dieu peut aller kubiri wa bongo, shetani. Un converti, un crédible. Il a kubadili kaza kama la pire mutoko amini. Un païen. Un pagano. Qui salodeur. Où le kona nunca. Anamuita. Il l'appelle. Ana muendre. Et Dieu il est loin. Mpaka mafuta. Dieu toi quoi kubiri. Pour qu'il vienne te prêcher seulement. Pour que toi tu sois sauvé. Ouais, pas te bless. Pas la kulala. Donc bless, faut pas dormir. Tu n'es pas venu dormir, tu es venu écouter la parole de Dieu. Voyez frère. Non, Nandou. Ana muendre. Il va à ta mafuta. Ule kubiri wa bongo. C'est faux prédicateur. Ana muendre. Tampaka mafuta. Na Roho Mtakatifu ya kweli. Avec le Saint-Esprit véritable. Ana kwa na kubiri. Et il vient te prêcher. Sauti ya Mungu ya kweli. La parole de Dieu correcte. Mais yeye wa bongo. Mais lui il est. Kisha wewe kuamini. Après que tu te ule, tu reconnais la vraie parole. Unatambua neno la Mungu. Unatambua la Mungu. Unatambua la parole de Dieu, tu crois. Ule mubiri anatoka nenda. Kuishi maisha yake. Pour aller mener sa vie et toi tu es sauvé. Et tu continues ta vie. Na unaendelea maisha yako. C'est vrai frère, j'ai déjà expliqué ça une fois. J'ai déjà expliqué comment Dieu fait. C'est pourquoi il y a des faux loin. D'abord, c'est un homme faux, mais il est loin de l'esprit de Christ. C'est un faux. Mais où il y a un apocalypse, dans ma foute, il y a quoi, il y a mon. Ma foute, il y a quoi, mais il y a un wabongo. Mais lui, il est faux. Premier Jean dit, c'est l'onction qui enseigne. Il y a combien connaissent cet écriture? Mettez vos mains à l'air. C'est l'onction qui enseigne. Il n'y a pas que Dieu n'a fondé ça. Parce que votre passé va vous les lire. Ça veut dire quoi? Ouais. Comme c'est l'Esprit de Dieu. Un élu reconnaît la présence de Dieu. L'élu profite de la parole. Il croit. Et c'est fini. Incrédulité, il y a qu'à une maman. Kuto kuamini, ça, ce n'est pas un problème. Quand Dieu est loin. Wakati Mungu anapaka. Un faux. Mutu abongo. Même un démon, quand il envoie un démon. Demona mutu ana mutuma. Le démon. Wakati ule demona. Arrive devant la présence de Melu. Yamteule. Dieu. Mungu. Ferme sa matrice. De la pensée. Akiri yake na mawazo yake. Dieu va fermer sa matrice et ses pensées et Dieu va attendre avec son enfant et il va mettre dans sa bouche le parole de Dieu. Et après avoir l'outil pour prononcer ses paroles, le lit sera sauvé et l'onction quitte cet homme. C'est ce que Dieu a fait avec Balaam. Vous connaissez bien l'histoire de Balaam. Quand Balaam est allé maudire, Balaam a enda kulaani. Anenda kumaudire Israël. Il est allé maudire Israël. Dieu n'a pas accepté ça. Mungu akuitike ile. Voyez. Unaona. Merci frère. Dieu n'a pas accepté ça. Mungu akuitike ile. Quand il allait avec l'intention de maudire Israël. Alianza kwenda na ile ni akwenda kulaani. Quand il voit Israël. Wakati aona Israël. Dieu ferme sa matrice. Mungu anafunga. Dieu met ses paroles en lui. Il commence à venir. Il commence à venir. Il commence à venir. Vous voyez. Balak dit non. Si tu n'as pas envoyé pour venir. Ce n'est pas là. Ce n'est pas notre convention. Il est toujours fou. Balaam a dit. Balaam a dit. Balaam dit. Je peux. Kulana. Kulana Dje. Où le monde, Mungu anaweza kubariki. Comment est-ce que moi je peux maudire celui que Dieu a déjà béni? Vous voyez. Munaona. Ibi bintu, ibi Roho Mtakatifu kwa nasema hivi. Que le Saint-Esprit en train de vous dire. Dieu vina mbruya kaba minifu ba mingi. Je sais qu'il y a beaucoup de liens par manque de comprendre bile Mungu on afanya. Même nos frères de la Nouvelle Lumière, ni mukosa kuelewa hivi vitu Roho Mtakatifu eko na dévoiler. Ils n'ont pas compris ce que le Saint-Esprit en train de kufunua. C'est ainsi qu'il y a eu des gens. Je commande à Kurkoba. Des élus. Bateule. Banamini. Ils ont cru. Kupitia mafundisho ya batoneriste. À travers les enseignements. Mafundisho. Les enseignements. Ya bapentecôtiste. Mafundisho. Les enseignements. C'est-à-dire, parmi les prédicateurs pentecôtistes. Non, mais j'ai mal parlé. Il y a eu des frères et des sœurs qui ont cru par les prédicateurs de la fausse doctrine. Mais par les variables, Dieu avait organisé une période de Valéa Teoule, mais pour besoin à Okovu, qu'ils avaient besoin de Bongo. Vous voyez, frère. Élection Mukaji. Buchakuzi dans le. Inachana na élection kuokovu. Élection, il faut qu'on interprète. L'élection dans les services. Inachana na élection kuokovu. C'est différent à l'élection au salut. Kuokovu. Dans les services. Mungu achakula ke bantu vile ambao ye anapenda. Ni Mukaji ndio mule Mungu. C'est dans la terre. Dieu est en train de choisir les gens selon sa volonté. Alors dans ces cas-là, même les démons. Dieu a choisi Judas. Mungu a chakula Yuda. Quand Dieu les envoie dans Matthieu chapitre 10, pour aller prêcher l'évangile, Judas était du nombre. Judas est allé prêcher. Il a guéri les malades. Il a opéré des miracles. Les boiteux ont marché. Les aveugles ont vu. Quand ils sont rentrés, ils étaient enthousiasmés. Oh Seigneur, nous avons vu comment les démons tombaient. Jésus leur répondit calmement, ne vous réjouissez pas parce que les démons vous sont soumis, mais réjouissez-vous parce que votre nom est écrit dans les cieux. Judas était au milieu d'eux. Dans Jean chapitre 6. Yohano cita. Bale bantu bote Judas. Tous ces gens-là qui étaient partis prêcher. Bari fotea. Est-ce qu'ils étaient perdus? Non. Apana. Tous ces hommes. Bale bantu bote. Et toutes ces femmes. Na bale banamuke bote. Que Judas avait prêché. Judas arubiraka. Ils sont pas perdus. Aba fotea apana. Non, bien aimé frère. Jean 6, 70. Yohano cita 70. Sariake ya makumi saba. Je commence au verset 66. Minanzia. Dès ce moment, kwanzia pale, plusieurs de ses disciples se retirèrent et n'allèrent plus avec lui. Jésus dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru, et nous avons connu, et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi? Vous les 12, et l'un de vous est un démon. N'est pas moi qui vous ai choisi. Et parmi vous les 12, que moi j'ai choisi, l'un de vous est un démon. C'est moi. Je savais que c'était un démon. Mais je lui ai choisi du asababu. Mais la kini, je lui ai choisi. Vous voyez. Est-ce que les manas Jidas arrendent? Est-ce que les âmes que Jidas avait prêché étaient perdues? Non. Non, bien aimé frère. Pas nando kumpen. Luc au chapitre 6. Luca cita. Verset 13 à 16. Quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit 12 auxquels il donna le nom d'apôtres. Il donna Pierre, qui nomma Pierre, André son frère, Jacques Jean, Philippe Barthélemy, Matthieu Thomas, et Jacques fils d'Alphée, Simon appelé les Zélotes, Jude fils Jacques, et Judas Iscariote, qui devint traître. C'était traître. Muntu amau sombiri. Un hypocrite traître. Actes des Apôtres chapitre 1. Maintenant, nous sommes sur la Verset 15 à 17. Mustalaki kuminatano. À ce jour-là. Pierre se leva au milieu des frères. Le nombre de personnes réunies était d'environ 120. Et il dit, homme frère, il fallait que s'accomplisse que le Saint-Esprit, dans les Écritures, annonçait d'avance par la bouche de David au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Il était compté parmi nous et il avait part au même ministère. Que celui de Pierre, celui de Jean. Voyez. Et pourtant il était un démon. Japo arikuya demona. Et Dieu l'avait choisi. Na Mungu aramchakulaka. Non pas pour être sauvé. Aina njua kokolewa. Mais Dieu avait besoin de lui. Mais lakini Mungu alikuwa na ita amuhitaji. Pour le service. Juu ya kazi. Dans le service. Mukazi. Dieu peut utiliser même des païens. Anaweza kutumikia ata même bagano, des politiciens, ata bafanya même siasa, des rois, ata bafale. C'est pourquoi mana, quand un président s'élève, wakati un roi s'élève, mama, wala mufalme, vous devez être attentif aux actes qu'il pose. Kwa ile la plupart des dignitaires, la plupart des dirigeants, aussi pour accomplir les desseins de Dieu. Il y a des choses qu'un chrétien ne peut pas faire. Qu'un prédicateur ne peut pas faire. Qu'un élu ne peut pas faire. Qu'un sauveur ne peut pas faire. Mais pour l'accomplissement de la parole de Dieu, Dieu va vers les païens. Ça, il va en tout monde et il va que. Tout le monde lui appartient. Tous les hommes. Voyez bien, mes frères. Il va prendre un les plus méchants pour accomplir sa volonté. C'est pourquoi je vous conseille, Jésus-Christ, ne croyez pas au discours des politiciens comme l'ainsi dit le Seigneur. Restez sur vos réserves. Mwanze kujizuiza. Priez pour les politiciens. Ombea bafanye siasa. Ils prennent de bonnes décisions. Dans l'intérêt des élus. Ya faida ya bateule. Frère. Nduku. Même Dieu. Ata Mungu. Pour punir Israël. Dieu a kuapiza Israeli. Il allait chercher des païens. Alianza des rois païens. Bafalme bapagano. Même les démons. Ata ma démona. Il existe même les démons. Alianza la bichata ma démona. Comment on a cette saouti à Mungu? Si tu abandonnes la parole de Dieu. Et que tu abandonnes la parole de Dieu. Maintenant pour te punir. Dieu va chercher Mungu, Michael. Michael. Ou le Saint-Esprit voilà, vous te tourmenter. Non. Abana. Dieu ne peut pas le faire. Mungu il laisse. Eko il laisse. Anachiria, il autorise un esprit méchant Rousa, à venir Mungu, s'occuper de toi. Mkwe, parce que c'est ça la voie que Dieu a suivi. Ta loi où il pende. Comme toi tu as Dieu y a Shetan. La voie on a de Dieu. Mungu, tu as refusé Dieu. Mungu anarusu, Dieu permet ma démon il vous a tué. Parce que c'est ce que tu voulais. Dieu kutafuta. C'est comme mon cas, dans le cas d'Esaïe. Quand il avait abandonné Mwakati, la parole, il avait désobéi. La Bible dit, Biblia esema, un esprit mauvais de Dieu. Oh, ya Mungu. Non, ce n'est pas vrai. Kweli. C'est une mauvaise tradition. Ni kutafsiri kwa bongo. Voyez, unaona? C'est un mauvais esprit ni kwa ni mchafu, qui avait l'autorisation mais il kwa na rusa de Dieu ya Mungu. Pour aller faire souffrir, ya kwenda kumteso, aller persécuter son, kwenda kongaika dans la voie qu'il avait choisi. Ule njia alichakulaka. Oui, bien mes frères. Unaona ndugu mpendi. Oui, bien mes frères. Unaona dada mpendi. C'est le cas de Nebuchadnezzar. Ni sa mwile mambo ya Nebuchadnezzar. C'est le cas de Nebuchadnezzar. Ni les membres de Nebuchadnezzar. Un païen. Un roi païen. Un vous voyez. Unaona. Dans Jérémie chapitre 27. Jérémie makumi bina saba. Jérémie chapitre 27. Jérémie makumi bina saba. Dans son verset 5 à 8. Mustaya ki atano. Jérémie 27, Jérémie, makumi bina saba, verset 5 à 8. Jérémie chapitre 25, Jérémie, makumi mbiri, verset 9. Vous voyez, maona. C'est moi. C'est moi qui ai fait la terre, les hommes et les animaux qui sont sur la terre, par ma grande puissance et par mon bras étendu, et je donne la terre à qui cela me plaît. C'est là où l'écriture du Paul dit, tout pouvoir vient de Dieu. Chaque pouvoir vient de Dieu. Mais ceux qui exercent le pouvoir ne l'exercent pas par la puissance de Dieu. Ce sont des choses différentes. L'Église avec moi. Tout pouvoir, même les politiciens, même les ignorants, tout pouvoir vient de Dieu. Oui, tout pouvoir vient de Dieu. Parce que c'est Dieu qui donne le pouvoir à qui il veut. Mais là, si tous les politiciens, quand il n'est pas dans le trône, quand il n'a pas le pouvoir, là, il sollicite Dieu. Mais quand il a le pouvoir, il exerce son pouvoir par le diable. Quoi bien mes frères? C'est là où Satan s'est présenté devant Jésus, lui dit, regarde tous les gouvernements, regarde tous les royaumes, c'est moi qui suis le patron. Si toi tu m'adores, je vous le donne. Vous voyez bien mes frères, le pouvoir vient de Dieu, mais le règne vient du diable. quelqu'un est dans le pouvoir et qu'il honore Dieu, vous verrez son royaume au son pouvoir sera prospère et sera en paix. Les gens confondent la nation israélite et nos nations païennes. Pour Israël, c'est Dieu lui-même qui régnait. C'est vrai. Les rois régnaient par Dieu. Vous voyez bien mes frères. Vous voyez bien mes sœurs. Il ne faisait rien par Dieu. Pour des grandes décisions, le roi allait consulter Dieu. Mais les nôtres ici, il ne consulte pas. Il ne consulte pas Dieu. Il consulte Satan. Nous voyons, même au temps de Mobutu, nous voyons dans tous les pays du monde. Quand les gens veulent le pouvoir, ils vont dans les églises. Avec le prime de l'aigle. Est-ce que ça c'est l'affaire de Dieu? Non. Pas non. Joe frère, ou pas toi, politicien. Derrière politicien. Non frère. Pas nandoku. Le pouvoir vient de Dieu. Oui, mais quand les hommes ont le pouvoir, ils ne veulent plus régner par Dieu. Parce qu'avec Dieu, c'est la justice. Ils veulent maintenant régner par le diable, parce qu'avec le diable, c'est la méchanceté. Quand ils ont le pouvoir par Dieu, ils ont de bonnes pensées, ils pensent au peuple. Mais quand maintenant ils ont le pouvoir, ils maltraitent le peuple. Jésus-Christ n'a pas dit, ce sont ces rois-là qui vous tyrannisent. Vous ne connaissez pas ces écritures. Même tais-toi. Quoi bien de mes frères? Venez écouter soi en tout. Ceux qui font souffrir le peuple. Ni pas cabaler en bas. Dès qu'on a régné Yulia Bantu. Pourquoi? Parce qu'il règne par Satan. Mais nous attendons notre règne de mille ans. Où Jésus-Christ sera le fils de David. Il sera le prince de la paix. Dans notre royaume, pas un coup de balle. Dans notre royaume, l'espoir ne sera pas versé. Dans notre royaume, pas de tribalisme, pas de régionalisme. Mon frère, pourquoi nous appartiendrons à une seule tribu, à une seule race, la race de Dieu? Nous serons saints d'esprit. Nous serons saints de corps. Ne pensez. Satan ne sera pas avec nous. Les vrais frères, c'est là. Ici, ce sont des règlements de compte du diable. C'est Satan qui règne. Tout est corrompu. Quand Satan règne, c'est la corruption partout. Voyez bien mes frères. Voyez bien mes soeurs, je donne la terre à qui cela me plaît. Maintenant, je livre tout le pays entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, mon serviteur. Roi de Babylone, à quoi serviteur wa Mungu? Mfalme wa Babylone, à quoi tu mtumishi wa Mungu? Roi de Babylone, en quoi serviteur de Dieu? Il est devenu encore serviteur de Dieu. Il n'est pas de la race d'Abraham. Atam Kizazi, Ya Ibrahim. Mais comme c'est dans les services, Babylone Mukazi. Il a compris la volonté de Dieu. Pour finir les méchants. Pour finir le péché. Le péché est fini par le péché. La méchanceté est fini par le méchant. C'est vrai, frère. C'est vrai, ma soeur. Et ici, Dieu a donné le pouvoir à Nebuchadnezzar, un roi païen, et il appelle mon serviteur. Et Dieu lui dit, je donne la terre à qui je veux. Donc quand un roi vient, il est dans l'objectif d'accomplir quelque chose. Si ce roi-là n'est pas dans l'objectif d'accomplir la volonté de Dieu, il sera écarté. Et c'est Dieu qui le fait. Voyez bien mes frères. Jérémie 5, verset 9. Il dit, j'enverrai chercher tous les peuples du septentrion. Dit l'Éternel, et j'enverrai auprès de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, mon serviteur. Je le ferai venir contre ce pays et contre ses habitants, contre toutes les nations de l'alentour, afin de les dévouer par interdit et d'en faire un objet de désolation et de moquerie et de ruines. C'est vrai, frère. C'est vrai, ma soeur. Vous voyez? Non. Dieu a pris Cyrus, le roi Cyrus, un roi païen. Pagano. Esaïe 44. Isaïa, un roi païen. Mufalem pagano. 44. Verset 28. J'ai dit de Cyrus, il est mon berger et il accomplira toute ma volonté. Il dira de Jérusalem qu'elle soit rebâtie et du temple qu'il soit fondé. Frère, Cyrus en a pu un pasteur ou à Mungu. Est devenu le pasteur de Dieu. Un roi païen. Nous parlons pagano. Il n'est même pas de la race d'Abraham. Mais Dieu l'appelle son pasteur. Pourquoi? Dieu l'avait suscité pour faire du bien, à Israël. Qu'est-ce qu'il devait faire? Quelle était sa mission? Retourner Israël dans sa patrie et rebâtir, voyez, le temple pour l'adoration, pour que son peuple élu puisse l'adorer. Comme il fait bien, Dieu aussi l'appelle mon berger, son pasteur. Voyez bien mes frères. Non, non. Oui. Dio. Il y a aussi des rois. Il y a aussi des politiciens. Que Dieu suscite pour faire du bien aux élus. C'est vrai, frère. C'est vrai, ma soeur. Je me souviens au temps de Mobutu. Le message ici. Ujumbei. Ce n'était pas facile d'adorer. Dans les premières heures, on adorait dans la clandestinité. On était dans la clandestinité. Ce n'était pas facile. La scénérie ne jouait pas. La scène, la scénérie d'autrefois, c'est l'année aujourd'hui. Ne jouait pas. Ce n'était pas facile. Mais à ce temps-là, Dieu est merveilleux. Dieu, frère Franck, avait même écrit des lettres au comité central, à la présidence. J'ai même ces lettres-là. Pour qu'on nous donne une lettre officielle. douté, s'accomplit au Congo, il a mis dans ses paniers des bonnes dispositions en faveur de l'épouse qui était au Congo. C'est vrai, frère. Et pour avoir même notre personnalité juridique que nous avons aujourd'hui, qui a suscité encore des politiciens qui nous étaient favorables et qui nous ont donné cela. Vous voyez bien mes frères. Il a fait des chérisses. Son berger. Un païen. Mais qu'il se suscite. Pour faire du bien. À son peuple élu. Oui bien mes frères. Notez encore. Deuxième chronique. Chapitre 36. Chapitre 36, verset 22, verset 23. Voyez, écrivez encore Esaïe 45, verset 1 à 3. La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie. L'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Ainsi par Cyrus, roi de Perse, l'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre et m'a commandé de bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Qui d'entre vous est de son peuple? Que l'Éternel son Dieu soit avec lui et qu'il monte. C'est vrai, frère. C'est ce que Dieu fait. Ici, c'est pour les événements qui sont liés à l'histoire du salut de la vie humaine. Dieu utilise qui il veut. Dans le ministère, il peut utiliser qui il veut. Comme Balaam. Dans le ministère, comme je le disais, Balaam est un devin. Vous voyez, Balaam est un devin. Il a utilisé un homme comme Corée, comme Dathan, qui s'est trouvé dans la famille de Lévi. Il a utilisé un roi comme Caïf au temps de Jésus. Ça, c'est dans la souveraineté de Dieu, dans le choix de ses serviteurs. Ce n'est pas dans le salut. Vous voyez bien mes frères. Dans les services, Mukazi, dans les ministères, Muduma, Dieu peut utiliser qui il veut pour accomplir ses promesses. C'est vrai, frère. C'est dans le même ordre d'idées que s'accomplit ces écritures. Prenons ces écritures. Que les gens confondent, ils les mettent dans les saluts. Psaume 135. Zaburi 135. L'église est avec moi. Psaume 135. Zaburi 135. Dans son verset 6. Nous allons jusqu'au verset 10. Commençons verset 4. Car l'Éternel s'est choisi Jacob, Israël pour qu'il lui appartienne. Je sais que l'Éternel est grand et que notre Seigneur est au-dessus de tous les dieux. Tout ce qu'il veut, il le fait dans les cieux et sur la terre, dans la mer et dans tous les abîmes. Descendez jusqu'en bas. L'écriture ici du verset 16. Ya mustari yake ya tout ce que l'Éternel veut, il le fait. Cette écriture ne doit jamais être utilisée dans le salut. Non. Dans le salut, l'Éternel ne fait pas ce qu'il veut. Akifanya ke bila napenda. Non bien aimé. Apana ndukumpenda. Dans le salut, il choisit les hommes selon sa préscience, selon le libre arbitre de l'homme. Mais dans le service, Dieu fait faire ce qu'il veut. Il est souverain. Les frères de la disgrâce, de la grâce infinie, utilisant cette écriture, tout ce que Dieu veut, il est fait. C'est un mensonge. Voyez bien mes frères. Voyez bien mes soeurs. Esaïe 14. Verset 24. L'Éternel des armées l'a juré en disant, oui, ce que j'ai décidé arrivera. Ce que j'ai résolu s'accomplira. Voyez, allez jusqu'en bas, jusqu'au verset 27. L'Éternel des armées a pris cette résolution qui s'y opposera. Sa main s'est étendue. Qui la détournera? Voyez bien mes frères. Ces écritures, ce n'est pas dans les saluts. Voyez. Ces écritures dans les saluts ne peuvent être utilisées qu'après que Dieu, selon sa préscience, voyez, a vu, après la délibération, après qu'il est délibéré dans son conseil de sa volonté, là il prend une décision, personne ne peut s'y opposer. Voyez bien mes frères. Voyez bien mes soeurs. C'est pourquoi il ne faut jamais confondre ça. Ces versets qui révèlent la souveraineté de Dieu ne concernent pas les saluts. C'est dans les événements. Dans les événements. Dans la manifestation de la volonté de Dieu. Prenons Esaïe 43. Dans son verset 13. Je le suis dès le commencement et nul ne délivre de ma main. J'agirai, qui s'y opposera? Ces versets ne concernent point les saluts de l'homme comme beaucoup le présentent, non. Mais la manifestation de la volonté de Dieu dans l'accomplissement des prophéties, des événements qui se déroulent sur la terre, dans les choix de ses serviteurs, dans son œuvre quelconque. Oui, bien aimé frère, comme nous pouvons le lire dans Psaume, chapitre 15. Psaume chapitre 15. Zaburi kumi. Des choses qu'il ne faut jamais confondre. Sinon vous croirez à des fausses doctrines. Regardez verset 19. Donc chapitre 15, verset 2 à 3. Chapitre 15, verset 2 à 3. Pourquoi les nations diraient-elles? Où donc est leur Dieu? Dieu, notre Dieu, est au ciel. Il fait ce qu'il veut. Ce n'est pas dans les saluts. C'est dans l'accomplissement de ses prophéties. Ni mukutimilika kama unabii yake. Dans l'accomplissement, dans le déroulement des événements sur la terre, il fait tout ce qu'il veut. Ce n'est pas dans le salut. Non. Kapana. Dans Daniel, au chapitre 4. Mou Danieli, ine. L'église est avec moi. Daniel, chapitre 4. Daniel, ine. Dans son verset 34-35, Daniel chapitre 4. Si je dis, psaume 115, verset 2 à 3. C'est ce qu'on venait de lire. Vous avez dit psaume 15. Psaume 115. Psaume 115. Verset, c'est le cliché que nous venons de lire. Psaume, il fait ce qu'il veut. Psaume 115, psaume 115, verset 2 à 3. Maintenant nous sommes dans Daniel chapitre 4, verset 34 à 35. Après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar, j'ai levé les yeux vers le ciel et la raison me revint. Je venis le Très-Haut. Je louais, je glorifiais celui qui vit éternellement. Celui dont la domination est une domination éternelle et dont les règnes subsistent de génération en génération. Verset 35. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux qu'un néant. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise: que fais-tu? Vois bien mes frères. Voyez bien mes soeurs. Ici, c'est dans l'élection. C'est dans l'élection de ses serviteurs. Oui, bien mes frères. Oui, bien mes soeurs. Non pas dans les saluts. Quand on prend ces écritures, on les applique dans les saluts, on crée une fausse doctrine. C'est vrai, frère. C'est vrai, ma soeur. Donc, pour terminer, nous allons achever les buts de l'élection mardi. Maintenant, pour terminer aujourd'hui, comprenez que dans les choix du salut, Dieu ne s'impose pas. Il n'a pas élu les gens selon sa propre volonté, mais c'est selon sa présence, tout en respectant les libres arbitres de l'homme. Mais dans les ministères, dans les services, Dieu peut utiliser tout le monde. Il peut utiliser des démons, il peut utiliser ses enfants, il peut utiliser des païens, il peut utiliser des politiciens, parce que ce sont ses créatures. Et là, na pale, il fait ce qu'il veut. On a fanya vile anapenda. Oui, bien mes frères. Unaona, ndugu mpendo. Il n'a pas besoin de la volonté de quelqu'un. Apitaje, il ne sollicite pas mutu, la volonté de quelqu'un. S'il trouve que cet homme-là va accomplir sa prophétie, atatimiza va accomplir sa parole, atatimiza neno lake, okay. Muzuri, il utilise. Mungu anamtumia. Il fait ce qu'il veut. Anafanya vile anapenda na ule mtu. Bien mes frères. C'est pourquoi si Dieu appelle quelqu'un au ministère, ou Dieu donne à quelqu'un un don, ne dis pas pourquoi Dieu avait fait cela. Il fallait qu'il me le donne moi. Pourquoi il a donné ce don à ses frères qui ne savent même pas parler? Aïna mambo yako. Ce n'est pas ton problème. Comment on appelle ça? il veut prendre quelqu'un qui a besoin de veiller. Ça, c'est l'affaire de Dieu. Comme il a pris Moïse. Comme la Arbebaka Moussa. Oui, bien, mes frères. Non, il devait pas. Il devait chercher un homme éloquent. Qui pouvait bien parler. Ça, ce n'est pas ton problème. Ça, c'est la volonté de Dieu. C'est ton problème à lui. Si il veut appeler un démon, c'est son problème à lui. Le démon fera son travail. Et c'est fini. Et Kunaisha, les démons iront en enfer. Les élus qui ont été sauvés à la prédication de ces démons, quand ils étaient loin, et ils iront dans l'enlèvement. C'est pourquoi. C'est pourquoi, frère. Les caprices d'un prédicateur mafieri ya mubiri n'ont aucune influence sur un élu. Aina na ufutata moya pa mteule. Je vais m'arrêter. Inashimama. Les caprices d'un prédicateur mafieri ya mubiri n'ont aucune influence sur un élu. Aina na ufuto pa mteule. Kama mubiri un prédicateur anacha mambo ya Mungu abandonne les choses de Dieu. Mteule hawezi kuacha mambo ya Mungu. Ne peut pas abandonner les choses de Dieu. L'élu est attaché à Dieu. Pas des hommes. Apana kubatu. C'est vrai, frère. Non, il avait prié pour moi. Aïe, la mambo. Ça, ce n'est pas un problème. Dieu a utilisé ses voix pour que tu sois guéri. Mais il n'est pas ton Dieu. Ce n'est pas lui qui t'a guéri. C'est l'éternel des armées qui t'a guéri. Vous n'avez pas de dette contre les prédicateurs. Pas bien, mes frères. Non. Oh non, Ariubiria, comme il avait prêché, et j'avais reçu même le Saint-Esprit. Ce n'est pas lui qui t'a baptisé cet esprit, c'est Dieu qui t'a baptisé cet esprit. Et même la prédication qu'il avait prêchée, ça venait de Dieu, ce n'est pas sa prédication. Pas bien, mes frères. Non, on a compris. Oh, ni kwa kalufu, miko pa kitanda, ya magonjwa, miko wakufwa, banda kunyangere paka paro, anakuya sona nyo, ana mungule, il avait prié, il n'a pas Dieu, alikuwa kana Mungu, il avait Dieu, pala alikuwa yako na kuombea, pendant qu'il était en prière pour toi, parce qu'il y a comme pas quoi, il était loin de l'esprit de Dieu, mais leo, ana tena na Mungu, mais aujourd'hui, il n'a pas Dieu, c'est pourquoi il est en train de s'embrouiller. Ne restez pas attaché à Dieu. Restez attaché à la parole de Dieu. Et le bonheur vous accompagnera jusqu'à dans l'éternité. Que Dieu vous bénisse ce matin. J'ai compris. Que Dieu vous bénisse. Lève-nous pour la prière. À l'appel de Dieu. À l'appel de Dieu. Ne vous attachez pas aux hommes. Non. Les hommes sont des instruments. Ah, que Dieu utilise pour atteindre son objectif. Quand il utilise les gens dans son objectif, à ce moment-là, il peut utiliser qui il veut. C'est vrai. C'est sa volonté. Mais dans les saluts, là, il choisit les hommes selon sa préscience. C'est vrai. À la paix de Dieu, répondrai-je, il m'a fait avant, j'entendrai. À la paix de Dieu, répondrai-je, où j'essaie, on entendrai, où j'essaie. Quand je m'appellera, partout où je suis, j'entendrai mon nom. Où je suis, quand je m'appellera, partout où je suis, j'entendrai mon nom. Ensemble. Mais c'est aussi...